laissez-moi encore vous citer deux extraits de lettres de Voltaire à des amis qui définissent clairement les voies ouvertes par Voltaire à l'historien moderne.